mis, c'est pour ça que je revendique. C'est pour ça qu'on a dit qu'on lâchera pas l'équipe. Pour un drapeau blanc, boss pour l'équipe. Estime l'éthique, boxe avec les tripes, fonce avec la mif. Dans un combat inéquitable, quitte à tomber sous le poids des agents, sous le poids des jugements, les préjugés des gens. On nique tous les médisants, TPS. Tous bien soudés, tous bien sous l'écran. Sous les mensonges, on trouve que notre honneur est signé. Aïe, on avance si c'est difficile en France. Nos troupes persistent depuis l'enfance, la résilience. Fait qu'on fonce, fait qu'on sonce. Nos potos se retrouvent enfermés. Les fleurs sont plus que fanées, les carottes sont plus que cramées. Aïe, on arrive, ça fait 5 ans qu'on dit ça. Sauf qu'on avait pas dit quand. Tu sais, on tapait rap, ta TPS, marque de fabrique. Ok, au mic, c'est la panique. J'en prends la vieille rengaine, c'était dortoir, problème. Mais c'est putain, tour de béton, la croix, y'a que ça gêne. Moi j'y ai passé toutes mes années, je le kiffe, mais je veux me barrer comme un oiseau enfermé. Je veux regoûter à la liberté, je veux ce qu'ils ont, car ils presque j'ai. Aucune honte à nous raqueter, malgré tous les milliards que le pays fait. Peu de deal, nous aussi, vend des armes, on vend du shit. Qu'est-ce qu'il met ou pas ici? Je demande rien, je suis comme tout le monde, je joue cette bien. Plus de change, j'avance ainsi, je suis plus serein. TPS, ils veulent comprendre tout ce qu'on compte au centre. C'est le slogan qui nous rassemble, ils veulent nous faire peur, on va les faire. Trembler, d'emblée, la queue entre les jambes, je veux les voir galoper. En gros, stylé, excédé, ce que je veux, c'est qu'ils s'en dépassent. Eux, veulent qu'on ferme nos gueules, mais ça, c'est pas possible. Moi, je veux qu'on se rassemble pour qu'un autre monde soit possible. Ce qu'ils veulent, on s'en fout pas mal, Pélos et à nous d'agir. Ils veulent tout et rien pour toi. Ils veulent ta matraquise, ils vendent tes bras. Ils veulent tout et rien pour toi. Stop pas tes rêves, t'as pas ton échelle sociale. Ils veulent tout et rien pour toi. Ils veulent te voir à l'ombre, ils veulent te voir dans une tombe. Ils veulent tout et veulent te voir dans un lep métal. Ils n'en verront jamais leur fils au casse-pipe. Ils veulent tout, mais surtout ne pas être comme toi, ne se mélange pas. Ils veulent tout et tout l'or du monde. Qui t'a creusé des tombes, qui t'a creusé le monde. Ils veulent tout et rien pour nous. Ils veulent un monde carré alors que la terre est une sphère. Ils veulent la tranquillité, le respect, alors que la famille ont foutu la merde. Ils veulent tout, même nos idées, nos jeunesses paumées, ça en a fait tourner des financiers. Ils veulent tout, on veut tout, réussir comme tôt, tout. C'est la pure connexion de style, dans la pure tradition du rap, là devant se développe. Provoquant réflexion et insoumission, cette fusion se fait pour relever le défi de par le temps et l'espace. J'interviens sans artifice ni confétifice. Je te confie une chose, ne te laisse jamais aspirer dans la spirale du mal. Là où le vice est viral, la morale a viré de bord. Maintenant c'est trop bling bling, string string. Même dans les pubs pour un yaourt, tu te mets une meuf en froid au sort. Va voir dehors comment les hors combattent pour des codes d'honneur. Ils s'affrontent sur un terrain déjà miné par l'État français. Ils ont disséminé des boucards, fait trahir des frères. Ils ont tout fait pour que la drogue nous ronge. Et nous on plonge chaque décennie en descend d'un cran. Les gens sont de moins en moins francs. Trop de jalousie man, fais ta vie et surtout fais ce que tu kiffes. Ne laisse jamais personne te prendre ce que t'as gagné à la sueur de ton front man. Ou par ton sang, c'est la dure réalité. Ils ont écrit l'histoire et imposé les règles. Et quand je la relis, elle me fait envoler mes rêves. Ils veulent que tu cotises 40 piges pour une retraite de merde. Ils veulent t'endetter 20 ans pour un petit 70 mètres. Ils veulent nous soumettre comme nos parents qui leur ont pardonné. Mais soyons rancuniers et reprenons ce qu'ils n'ont pas donné. C'est la loi du plus fort, on la connaît. On n'a personne pour représenter le peuple et crier sa colère. Je suis la jeunesse de France et on m'endort. C'est plus facile de trouver du schler à Bel Air qu'un champagne au Mont d'Or. Logique, société de surconsommation. Ils filtrent, modifient et dirigent les informations. Dans ce pays où le racisme est un enseignement, il ne fonctionne que par la répression et l'enfermement. Ils te volent, ils te mentent, t'es pas d'accord, ils t'arrêtent. Lolo sort avec un litre et Momo tombe pour une barrette. Inégalité des chances, mauvaise répartition des richesses. Petit banlieusard est malvenu chez les richards. Je n'en veux pas de ton minimum. Moi, on m'a fait la bourrée vitesse, je vous avais prévu pour moi. Veux nous faire croire qu'il n'y a plus de talent à signer. Que les artistes sont morts, qu'il n'y a plus d'encre dans l'encrier. Ils veulent me faire croire que Morgane est artiste. Qu'elle chante depuis 10 piges, mais soyez réaliste. Les MC sont ici, l'underground se porte bien. Le recyclage n'apporte rien, ouvrez-nous les portes, hein. Ils veulent que je me taise, car trop peur d'être crié. Si je suis interdit de parler, je me mettrai à crier.